Radio Campus, il est 20h. On s'entend là. Oui, bah on va un petit peu baisser le son parce que c'est Pyongyang Steel Rockers qui commence. Ça y est, je me souviens même plus du numéro de l'émission 293. Me semble-t-il, on n'était pas la semaine dernière. On se rattrape. Alors pendant qu'on cherche les câbles des micros, des casques et qu'on essaye de régler les micros, on va donc vous dire qu'aujourd'hui c'est une émission avec invité, à savoir Kawai et Molotov qui ont formé un collectif qui s'appelle Kawai Molotov. Et ces gens connaissent tous les boutons. Attends, tu parles dans un micro qui marche pas. Vas-y. Ils connaissent tous les boutons pour allumer entre les casques et la machine. Là, chez moi, ils vont m'apprendre parce que moi, j'y comprends rien. Voilà. Bah, moi, c'est pareil. Jamie est là aussi, ainsi que Célia, ainsi que Ripoll, mais il est là-bas en train de boire sa limonade. Et puis normalement on devrait vous amener jusqu'à 21h avec non seulement de la musique mais aussi des paroles. On va s'occuper des casques après. Pour l'instant, comme ça commence à être un peu trop l'usage en ce moment, je vais faire un RIP, encore un qui est crevé. Et là quand même, les gens qui crèvent ont de plus en plus des âges qui ressemblent aux miens, c'est affreux. Donc je parle de Al G. Ward qui est décédé mercredi dernier. Il était bassiste des Saints, puis des Damned, puis sous l'influence démoniaque de Lemmy Kilmister. Il est devenu l'un des principaux animateurs de la New Wave of British Heavy Metal dans les années 80 avec son groupe Tank. Moi j'en reste à son taf de première bourre avec les punks des Saints australiens reconvertis, enfin qui sont ensuite arrivés à Londres en 77, même peut-être en 76, bref. Les voici donc en 78 avec Private Affair avec Alasdair Mackie Ward aux 4 cordes, RIP Al G. Ward. Not everybody wants to think the same. Not everyone wants to be the same. Tout le monde ne veut pas être pareil. C'est votre cas, Kawaii et Molotov ? Bah, ça dépend. Non, ouais, on t'entend pas. Ça y est. Ah, on a pas dit. Beau, hein. Et j'imagine, ça dépend de quoi, à quoi on se compare, simplement. C'est là, ils parlaient en fait des punks en 78, ils en avaient un peu déjà marre, des gens qui avaient toujours les mêmes coupes de cheveux, les mêmes discours, la même musique. Et d'ailleurs, ils faisaient la même musique, hein, là. Donc, bref. Ah, mais tout le monde ne veut pas faire ça. Des donc, conservateurs, quoi. Ouais, des espèces de conservateurs. Oh. Ah, tiens, il y a quelqu'un qui parle. On les aime pas trop, non, je pense. Alors toi, tu t'appelles Molotov. Ouais, voilà, c'est ça. Salut Molotov. Salut, merci beaucoup de nous avoir invités. Carrément, merci beaucoup. Et les stylos qu'on a entendus juste avant, et c'est Monsieur Kawaii. Tu te trouves kawaii, toi? Ah bah, là, il fait beau, mais d'habitude, j'ai toujours mon kawaii. D'accord, ok. Ouais, donc, en fait, vous êtes un petit peu invité vous-même, enfin, en fait, en proposant, mon cher kawaii, en proposant de venir pour présenter une soirée qui a lieu après-demain au CCL, et qui est, la soirée de présentation de votre collectif. Alors, ça y est, on va commencer par là. Un collectif, pourquoi faire? Qu'est-ce que c'est que ce collectif? Allez. Eh bien, alors déjà... Interrogatoire de police. Donc ça parle de l'envie d'organiser des événements, et pas que finalement, mais ça commence comme ça, on va dire. Ça commence comme ça, on a envie d'organiser un événement, se rassembler autour d'une soirée, et puis de se rassembler aussi autour de copains parce qu'on a des amis qui font plein de belles choses, qui ont plein de compétences, plein de choses, et l'idée c'est aussi de se rassembler pour être capable de faire en fait tout ce qu'on veut. En fait, il y a pas vraiment de limite, ça va dépendre un petit peu de ce que les gens ont envie de faire, clairement, et l'idée, voilà, c'est de se rassembler, de se mettre ensemble, d'avoir un kawaii social club où, j'ai envie de... Tiens, il y a tel groupe qui vient, j'ai envie de faire ça. Ah, il y a telle chose, il faudrait faire une soirée de soutien, ils sont dans la merde, ils ont besoin de sous. Et ben voilà, d'avoir les ressources pour pouvoir faire ça, et dans un premier temps. Et ensuite... clairement, on ne sait pas où on va, et c'est ça qui est génial. Bah, parce ouais. que ça va être... Vraiment, c'est aussi l'envie de lancer une impulsion, voilà, aux gens du collectif, à nos potes, qui puissent se dire « Ah, j'ai envie de faire un truc. Ah bah, je peux pas parce que je sais pas faire ça. Bah si, parce que du coup, il y a tout le monde qui est là, qui peut te rendre service. » Il y a entraide. Voilà. Exactement, yeah. Ouais. Mais ça existe déjà... Par ailleurs, il y a déjà des associations après, structurées comme ça qui font un peu la même chose, non ? Après, on a rien inventé, c'est clair. Hein, mais il en faut plus, je pense, pour faire vivre les scènes underground. C'est clair que, moi, par exemple, j'ai quand même beaucoup plus d'affinité avec la musique punk. C'est pas pour rien que je suis là ce soir. Mais ça existe déjà. Il y a déjà des gens qui font ça très bien. Donc l'idée, c'était pas de faire un truc, se bloquer sur un style, parce que finalement, beaucoup de collectifs d'assaut, font vivre aussi leur scène. Là, c'est de faire vivre, finalement, un petit bouillon, plein de styles différents, un peu à l'image de notre soirée, qui est au final, on passe du rock au rap, à la techno queer, jusqu'à une techno bien vénère, parce que on pense que c'est cool aussi de faire la fête comme ça, avec du mélange, de l'échange, tout ça, tu vois. C'est vrai qu'il parle beaucoup, hein. On disait ça en antenne tout à l'heure. Il a la tchatch, hein. C'est... Ouais, ouais. Ah ouais, mais c'est super. Hein. Tu t'as super bien résumé l'idée qu'on avait avec le collectif. Je pense que moi, je rajouterais aussi la volonté d'organiser des événements qui soient abordables pour les gens aussi. On est à prix libre. On essaye de garder une espèce de cohérence dans notre manière d'organiser aussi, on va dire éthiquement. Que le prix libre il soit redistribué à des artistes ou, comme tu l'as dit, à des caisses de soutien, par exemple, c'est des choses qui nous parlent. Et oui, même s'il y a déjà des collectifs qui font ça, en réalité, il y a pas mal de lieux un peu alternatifs qui ont fermé ces dernières années. C'est quand même compliqué de mobiliser des gens bénévolement aussi. Donc, plus on va être nombreux dans le collectif et plus on va pouvoir organiser d'événements. Et voilà. Ok, on parle de lieux qui ferment, il y en a quand même un qui reste, et c'est d'ailleurs là que vous organisez votre première soirée. Le CCL, ouais. C'est quand même un point de repère important dans la scène lilloise et puis autour de Lille, quoi. Mais ça reste une des scènes finalement les plus connues, enfin... dans le milieu underground, même par ailleurs des gens qui viennent, enfin par exemple on parlait hier par exemple du Raymond Bar à Clermont, voilà, je ne connais pas le CCL x4 quoi. Ah ouais, en termes de taille, en termes de taille, ouais, c'est assez fat. Il y a 10 personnes qui vivent dedans, il y a des gens qui vivent dedans en mode squat. C'est squatté, hein. Ouais. Enfin, c'est squatté, c'est pas vraiment squatté, c'est un peu comme le CCL en fait finalement. Ouais, c'est ça, parce que la ville est tolérée, c'est tolérée par la ville, voilà. Et c'est super cool, mais ça a fermé. Ça va fermer. Ouais, parce que ça va s'effondrer. Je sais pas comment ils font des gros travaux, je sais plus. Donc ils changent d'endroit, mais pas sûr d'avoir un truc apte à la musique. Ouais, c'est ça le problème en fait. Des gens qui veulent faire des choses, il y en a quand même beaucoup. Mais trouver des endroits où se produire, c'est pas ça. Forcément tout. Ouais, c'est voilà, c'est ça l'idée. Après, nous on a envie aussi de pouvoir se produire partout. C'est ça qui est. C'est un peu l'envie, quoi, tu vois, de. Tu vois pas ce que je veux dire. Non, je vois pas, tu veux perdre. Absolument pas, faut dire les choses. C'est à un moment donné, tu vois, on a envie de prendre un groupe électrogène, d'aller dans un bois et de faire des concerts. Allez, je sais pas, punk, dub, machin. Ou au bord de la Deux, là. Voilà. Ouais, au bord de la Deux, okay. Carrément. Ouais. Mais là, t'as pas besoin de platine et tout, tu prends un djembé. Bah, justement, c'est le premier achat qu'on a fait. On a acheté 14 djembé. Ah, c'est bien. C'est ça. Alors, on a dit qu'il y avait un concert vendredi, mais on n'a pas dit qui va s'y produire. Alors, faut quand même y aller, hein, parce qu'après ça, on va passer de la musique. Il est déjà presque 13 là. Et, ouais, ça porte malheur. C'est, ouais, voilà. Non, puis il va falloir passer de la zik quand même. Il y a le summer break à côté, là, on va y aller. Après, on a 14 parce que le 13, ça compte pas. Non. Allez, du coup, on va commencer par le point négatif, parce qu'il y a quand même un point négatif. Il y a un groupe qui a annulé pour souci de véhicule, simplement. Ils devaient venir avec leur véhicule. Ils viennent du Gard, de machine, épileptique. Et ouais, et du coup, c'est compliqué. Ils sont bien deg, de pas pouvoir venir. Mais bon, voilà, on n'a pas remplacé le groupe parce qu'on s'est dit qu'on allait donner un peu plus de temps aux autres. Alors, qui sont les autres? Du coup, nous avons Death by Fog qui nous vient tout droit de Lille, qui est à la base un duo, mais Elia se produira en solo. Après, je pense que tu vas présenter un peu plus tout à l'heure. Ouais. Parce qu'elle est là, madame de Death by Fog. Je suis la madame de Death by Fog. Ah. Et ouais, on précise, ça commence à 20h30 par Death by Fog. Ensuite, tu auras Sinoc, voilà, qui est en retard, mais qui va venir. Aussi ce soir. J'ai eu la confirmation. Je me suis fait engueuler parce qu'il était en retard. J'avais jamais vu ça. Logique. Même moi, j'ai jamais fait ça. Soul of Beer. Bear. Soul of Bear. Pardon, je me suis fait encore faire avoir. Bear. Soul of Bear. Tu te fais engueuler. Qui est une personne qui fait de la techno cuir, qui compose et qui chante. C'est en mode live. C'est assez punk en fait dans la dynamique. Très très punk, très très revendicateur. Tu vois, ça me fait penser à des groupes comme Gloss par exemple. Mais par contre, musicalement, rien à voir. Par contre, dans la façon de, tu vois, d'haranguer, d'y aller, franchement, il y a une énergie de fou. Et en plus de ça, quand elle parle, quand elle balance son truc, on comprend. Exactement. Ah, tu as déjà vu, tu connais alors. Ah ouais. Non. C'est cool. Je me renseigne un peu. Hein. Mais ouais. Et ça finit du coup avec Rotten, vraiment hard techno. Là, on lâche les chevaux. Il y a plus de paroles, machin. Et c'est quelqu'un qui fait ça depuis. Le vrai CCL. Ouais, mais c'est le tout ça, c'est le vrai CCL. Ouais, oui, c'est vrai. Mais voilà, on lâche les chevaux et on fait la teuf jusqu'à la fermeture. Et puis c'est en mode... Alors c'est hard techno, mais vraiment très fin. C'est vraiment un mélomane de ouf, quelqu'un qui fait ça depuis longtemps. Et puis qui vient de Free Party un petit peu. Donc voilà, qui est aussi en lien avec ce qu'on fait, quoi, ce qu'on a envie de faire. À fond, à fond. C'est aussi un pote depuis quelques temps quand même. Voilà. Voilà pour les informations. Bon, on va pouvoir passer de la zik alors. Allez, vas-y, balance. Vu que j'ai des trucs, mais alors, faut me le dire, hein, parce que je sais pas. Death by Fog, on va commencer. On va commencer par le tout doux, là, Death by Fog, c'est le bien. Le tout doux. Voilà, c'est sur le premier EP de Death by Fog. C'est un des morceaux que je ne jouerai pas. Ah bon, dans pourquoi? Ah bah, je te dirai après. Ouais, on dira après. Allez, Death by Fog, sur Campus, mission Pion Styrokers. Ok. Thibaut. Bon bah voilà. En direct sur la fin de Death by Fog, Cher. Et pourquoi tu ne veux pas partager ce morceau? En fait, c'est parce que... en gros, normalement, on est deux, on est en duo. Mm-hmm. Il y a moi, il y a Myriam. Myriam, elle fait partie aussi de Manic Maya et Monsieur Thibaut, c'est une bassiste. Et donc, maintenant, elle habite à Lyon. Et du coup, pour ce concert, bah, je vais être toute seule pour la première fois. Et du coup, j'ai écrit des nouveaux morceaux, spécialement conçus pour être joués tout seul. Donc, basse plus des trucs à l'ordinateur. Oui, en gros, j'ai composé, j'ai tout fait, quoi. Les basses synthétiques, les programmations de la batterie et du coup, la guitare. Là, je fais de la guitare dans ce projet, le chant. Oui, pardon. Voilà. Okay. Voilà. Et du coup, là, ce sera que des nouveaux morceaux que je n'avais pas encore enregistrés. Il n'y a que des maquettes, là, pour l'instant. Donc, les gens qui vous ont déjà vu verront une nouvelle mouture de Death by Fog. Exactement. Voilà. Et un nouveau mood. Nouveau mood, c'est-à-dire plus énervé, plus... Peut-être un peu plus tragique. Tragique. Tragique, un peu plus triste, des fois, mais pas trop. Ça va. Des fois, quand même triste. Oui. Bien. Ça fait longtemps que vous jouez ensemble ? Non. On a commencé... franchement, même pas un an. Parce que, en fait, c'était la Malterie qui nous avait poussé à mettre en place le projet. En gros, ils avaient entendu ce qu'on s'était... On s'était vu à l'été pour faire une petite répète. Et la Malterie a entendu ça. S'est dit, oh putain, deux filles sur trois de la Malterie, ils font un groupe ensemble. Faut qu'on les pousse. On fait, oui, d'accord, super. Et du coup, ils nous ont dit, vous faites un concert dans 2 mois, quoi. On fait, ok, il faut qu'on écrive des morceaux. Et du coup, on a fait une semaine de résidence, on a écrit les morceaux. Et on a fait notre premier concert, et ça devait être en novembre. Voilà, dernier. Et vous en avez fait beaucoup après? Non, alors on a fait donc un concert à Malterie, on a refait après au Café Disquaire, parce qu'après on a fait une petite tournée. Donc on a été au Raymond Bar, à Clermont-Ferrand, au Craspec Music à Lyon, et à la Pointe Lafayette à Paris. Voilà, quand même. Et puis on a fait à la Bulle aussi, on a fait la soirée Burnout. Ouais, et il me semble qu'il y a même une vidéo, un enregistrement vidéo de votre prestation à la Bulle qui traîne sur les internets. Ouais, ça traîne, c'est traîne. C'est ça que j'ai vu tout à l'heure. Oui. Alors, faut savoir que sur les vidéos live qu'on a, le son n'est pas terrible parce que la personne se met, tu sais, enfin souvent, quand tu filmes, tu te mets tout devant. Mmh. Et du coup, tu as le son de la scène plutôt que le son qui sort des enceintes. Ouais. Donc, c'est les voix sans réverb, tout ça. Ce n'est pas la full expérience. D'accord. Donc, pour la full expérience, il faut venir... Il faut se mettre au fond. Non, la full expérience, à moitié avec un nouveau set adapté. Ouais. Il faut venir vendredi à 20h30 CCL. 20h30. Pour me voir. C'est pas 22h parce qu'en général, quand on dit CCL 20h30... Et ça commence une heure et demie plus tard. Non, mais il faut pas se faire avoir cette fois-ci, parce qu'on est nombreux à jouer. Donc ouais, c'est 20h30 pétante. Bah, il n'y aura pas Epilexi déjà. Donc, oui, voilà, oui. Mais je ne conseillerais pas d'arriver en retard. Non, il ne faut pas arriver en retard, surtout pas. Surtout pas. Bien. On a d'autres trucs à passer On a plein d'autres trucs. Ouais, bah ouais. On parle de qui ? De quoi ? Non, je voulais savoir, c'est quoi cette histoire de brouillard ? Parce que, alors Death by Fog, vous faites du fog. Pourquoi ? On fait du fogaze. Du fogaze. Oui, voilà. Ça, je n'avais encore jamais vu ça. Ah non, mais on l'a inventé. On l'a inventé, on s'en fout. Et du coup, petite histoire. Première répète, on parle de nos vies. Et on parle des puces, parce qu'on a toutes les deux des chats, un chat. Ah. Et donc c'est chiant, les puces. Et voilà, on est envahi par les puces. Et donc Myriam me dit, mais du coup, moi, j'ai mis du fogger dans ma maison. Je dis, moi aussi, c'était super chiant, mettre du fogger. Et donc le fog. Et donc, on commence à faire une chanson sur les puces. Okay. Qui n'est pas enregistrée, celle-là. Et donc, chanson sur les puces. Et dedans, il y avait... on s'est dit qu'on allait faire en anglais, c'est plus classe. Et donc, Death by Fog, la mort par le brouillard. Ouais. Et donc, on s'est dit, ça claque comme nom, Death by Fog. Voilà, on va faire ça. Donc, on avait trouvé notre nom en première répète. Ça, c'est du jamais vu. Et après, plus tard, les gens nous ont dit, Fog, vous parlez du brouillard anglais, nanan, c'est un truc écolo. Ouais. Ouais, non, c'est ça, exactement. Complètement écolo, on tue les puces, boum, boum. C'est cool, en fait, le sens est venu à nous plus tard. C'est cool. Donc, t'en fais ce que tu veux du sens de Death by Fog. Maintenant, donc, l'anglais, c'est plus classe, donc il n'y aura jamais de truc en français ou en chutemis. En chutemis, non. Non. Ouais. Non, pour l'instant, que de l'anglais, j'avoue. On a une chanson en français. Une chanson en français qui n'est pas enregistrée, pas trouvable. Bon, j'allais te demander si tu l'as là. Visible mais non. En live, mais non, pas trouvable. Et tu vas la faire vendredi ? Non. Bon, moi, c'est tout. Je ne viendrai pas. Que de l'anglais vendredi. Ok, ça va. Alors, sinon, à part Death by Fog. Ouais. Qui n'est pas si brouillardo que ça d'ailleurs, hein, c'est bien. Ouais. On a d'autres artistes parce que là, il faut se presser. Là, on est déjà presque à la moitié de l'émission, les gars. Oui. Bah ouais. Après, c'est vrai que toi, t'avais ramené des morceaux de tes autres projets. Ouais, c'est ça. Dont Deul, par exemple. Ah, tu joues dans Deul. J'avais oublié. Ouais. Et dans Ionic aussi, qui est un autre mood encore où là. Ouais, Ionic, c'est post-hardcore, je scream. On peut mettre celui-là si tu veux, parce qu'il est plutôt court. Ouais, c'est bien, ça va faire une petite balance avec ce qu'on a passé avant. Voilà. Ionic. The Bleeding. Ouais. Rien à dire ? Il y a rien à dire, non. Juste écouter. Ça saigne. Bon. Allez. Genre, Bah ouais, voilà, ça y est, notre invité supplémentaire est arrivé. Enfin, celui qui est en retard, il n'est plus en retard vu qu'il est là. Et donc, c'est qui ? C'est Sinoc. Bonjour. Bonjour Sinoc. Salut, moi c'est Sinoc. Je m'entends pas du tout dans le casque. Et... Ton casque il marche pas. Ouais, bah, c'est peut-être pour ça. On a merdouillé aussi comme ça tout à l'heure. Hein. C'est normal, t'es dans une radio libre et pirate. Enfin, presque. Carrément. Mais si vous avez des ressorts qui marchent, je vais lancer des guerres entre radio et à Boomerang, leurs ressorts sont trop fatigués, les micros et ils tombent. Ouais. Bah moi j'aimerais bien qu'il n'y en ait plus de ressorts. Ce serait bien qu'il y ait juste des petites perches comme ça, on verrait les gens. Parce que là, c'est... Ah, je croyais que tu avais des histoires de genre un moment ressort qui s'est claqué dans la tronche. Alors Sinoc, toi tu seras aussi dans ce concert de vendredi pour présenter Kawaii Molotov. Voilà. Complètement à la première session de Kawaii Molotov. Avec l'équipe derrière qui fait les bacs et en soutien collectif aussi pour pourquoi pas mettre la patte là-dedans parce que c'est des potes avec qui on a déjà fait ce genre de bêtises d'organisation d'événements qui partent dans tous les sens. Ah ouais. Et du coup bah pourquoi pas le refaire quoi, c'était bien. D'ailleurs, c'est bien ici parce que nous aussi, ici, on part dans tous les sens, donc on adore ça. Et c'est très bien quand c'est pas trop construit, mais qu'on arrive à quand même retrouver le fil. Tac. Et donc, on a retrouvé le fil, on t'a retrouvé. Je pense que t'as du son et t'es en train de préparer des trucs là sur ton. Ouais, je sais pas, faut chanter tout de suite. Oh, ben non, il faut pas chanter. C'est seulement si tu veux, seulement si tu le sens. Sinon, on cause. Tranquillement, on peut causer un petit peu. Là, j'ai ce truc est prêt si c'est lancé. Si mon téléphone veut bien, des fois, il veut pas trop, tu vois. Déjà, moi, faut que je trouve l'autre. Pour te dire à peu près à quel âge on suit un téléphone, c'est qui se branche avec les chargeurs Samsung. Ouais. D'accord. Ah ouais, toi aussi t'es encore là. Moi je suis en train d'apprendre mes petits frères et tout. Ils m'apprennent que gros t'es en retard. Ton truc il va de 2016. C'est un peu trop vieux pour un téléphone. Ouais, mais quand même il a une prise aux. Ouais, complètement. Et donc, il a même le Bluetooth. Voilà. T'as vu ça ? Moderne. De ouf. Là où les nouveaux téléphones ont plus de prise jack. Ouais, ouais. Ouais, y a même autre chose qu'iPhone à la con là. Ouais, c'est ça. Ouais. Super. Sujet, j'ai lancé le truc sur un débat complètement. Non, mais on parle de plein de choses ici, même de technologie hyper sophistiquée. Ah, on peut parler de techno hardcore non, aussi. Mais, et, ouais, techno hardcore, ouais, non, mais. Et, mais sinon, avant qu'on lance ton son, ton actu, à part celle de vendredi, c'est quoi ? C'est dimanche. dimanche, on joue aussi avec pour Kawaii Molotov à Dompierre-sur-Elle. Et niveau son, je sais pas, moi j'ai deux sons qui sont sortis là récemment, un projet support avec DVD et VHS, un son boom bap et un son trap sur une instru drill. Et là dans les projets qui arrivent, il y a bah, justement le Discrete, le beatmaker avec qui on a fait le VHS, le son drill, avec qui une mixtape qui est en discussion, en préparation. Et puis et non, là les projets c'est vraiment de jouer, on est très très chaud à jouer, on a une forme sur scène à 3, 4, c'est super vénère et c'est vraiment ça qu'on cherche en fait, nous, c'est de se retrouver sur scène. Du coup, je crois que les projets, c'est vraiment de tourner au maximum en ce moment. Des trucs récents à trouver sur les internets ? Ouais, maintenant, ça y est, je me suis mis récemment sur les réseaux sociaux et tout, il fallait se mettre à la page. Et du coup, j'ai même Spotify. Des trucs non, comme ça. C'est vrai ? Ouais, tout est sur YouTube. Tout est sur Bandcamp en téléchargement. Je croyais que les gens de Kawaii Molotov étaient contre les GAFA, mais Spotify, c'est quand même assez après, proche des GAFA. Après, les artistes, ils s'organisent comme ils veulent. S'ils veulent publier notre flyer sur les réseaux, a priori, on va pas empêcher les gens de relayer les infos sur les réseaux. Après, c'est vrai que nous, on essaye de faire sans parce qu'on trouve ça plus cool aussi de se dire que les gens communiquent entre eux directement. C'est pas forcément des entreprises qu'on porte dans notre cœur, même si hier on nous a parlé d'un réseau social qui était certainement plus libre. Mastodon. Enfin, le fait divers en général, il y a plusieurs logiciels mais qui communiquent entre eux, c'est bien. Ouais. Mais du coup, non, il n'y a aucun souci. De toute façon, si on se dit qu'on collabore qu'avec des artistes qui n'ont pas les réseaux sociaux, il n'y a plus personne. Ouais. Quoi. Et sinon, pour trouver votre propagande, on peut aussi la trouver sur papier. Moi, j'ai trouvé sur les murs au CCL et sur les murs. Voilà. Boum. Ça marche bien. Un beau flyer double face papier glacé, plein de couleurs. Youpi, Kawaii Molotov. On ne voit que ça. Sinoc, t'es prêt là ? T'avais vraiment envie de le balancer là, non ? Ah ouais, là, tu veux, on part tout de suite ? Ouais, si tu veux. Attends, vas-y. Ouais. Hop là. Sinon, après, on aura plus si le temps. Je sais pas si ça marche. Ah, il est 34. Moi, ça envoie, je sais pas si t'as la piste aux qui a... Ah, mais non, mais j'ai pas de casque. Mon casque, celui-là, il marche pas non plus, j'ai oublié de vous dire. Ah oui, d'accord. Depuis tel. Par contre, là, j'ai rien qui passe. Il marche ton casque, en fait. Yo, non, justement, il marchait pas, je m'entendais. Là, je m'entends. Et du coup, alors, chers auditrices et tors, vous pouvez entendre que là, on est dans la préparation la plus brute. Là, on a fait ça, on a répété pendant au moins 5 heures avant. Et là, franchement, ça marche à fond la caisse, quoi. Mais là, vraiment, moi, la musique, elle se lance et tout. Sinon, on peut faire commerce. Je sais pas, moi, mon auxiliaire. En plus, il y a du signal et puis il y a rien qui passe. Je pense que ta prise jack doit plus fonctionner, en fait. C'est ton téléphone de 2016, la cause. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ouais, on va pas passer notre temps à appuyer sur ton truc. Bon. Non, mais peut-être qu'on peut lancer sur internet. Du coup, il y avait des. Peut-être mettre un son le temps de gérer ce souci-là. Ouais. Moi, je te propose VHS. Je sais pas ce que t'as de dispo sous la patte. Tout est trouvable un peu sur tous les. Attends, mais faut le YouTube, Sinoc. En plus, j'en profite pour faire l'épellation de la chose. Sinoque. Ça veut dire toquer dans le sens c'est du vieil argot français que t'entends dans des vieux films en noir et blanc de l'époque et aucun rapport avec les Goonies, moi à la base désolé c'est pas ma génération. Je sais même pas ce que c'est. Les Goonies, c'est pas ta génération non plus entre les deux peut-être. Ouais. Et Sinoc non ça veut dire toquer fou fêlé en vieil argot. Alors j'ai deux VHS, un tout seul et un prod Discret. Bah c'est la même normalement. Bon bah voilà. Rembobine bien la caisse. Ouais, bien sûr, attends. Il faut 2,55, dis donc. Ouais, on est rapide, hein. Bah, les gens voient. Sinoc, Discret. Sinoc avec Discret, le beatmaker. N-O-Q-E. Qui veut la vite super kite ? Qui veut Pas Vince Uberside. Pas Vince Uberside. Sans car je chemin tous les feux. On a des poches pleines que sous les yeux. Leur dieu c'est la maille, ils sont tous très pieux. Ils sont imbus de même, on est sous les deux. Leur navire chavire, coulez-le pour ravir la ville douce et meute. Si c'est nous les cendants, si c'est nous les gueux, on a toujours la haine, on va tourner le deux. Jusqu'ici tout va mal, jusqu'ici tout va mal. C'est fou ce que la chute est longue, vivement l'atterrissage. Jusqu'ici tout va mal, jusqu'ici tout va mal. C'est fou ce que la chute est longue, vivement l'atterrissage. Le vent a tourné, ils ont tous taillé comme Nosferatu devant Gustai. Les voir à genoux, c'est le triple vin. Ne plus jamais les voir, c'est le bullseye. Maintenant, Sauron, il a quatre anneaux. Le soir, la ville, elle est quadrillée. Non, non, c'est pas de la parano de pas se contenter d'un barillet. Saleté, d'élite, casquette, d'élite, survette. Des petites barrettes, des petites panettes, d'élite, buvette. Assis, tablette, magique, la fête, par vite, sucette. Marie, Daniel, Elisabeth, batterie, cuvette. T'as réparti en un éclair et t'es tout défoncé. Ici-bas, plus rien n'est clair, non. Tout est foncé, t'as réparti en un éclair et t'es tout défoncé. Ici-bas, plus rien n'est clair, non. Tout est foncé, jusqu'ici. Mal. Jusqu'ici tout va mal, c'est fou ce que la chute est longue, vivement l'atterrissage. Jusqu'ici tout va mal, jusqu'ici tout va mal, c'est fou ce que la chute est longue, vivement l'atterrissage. Suffit d'un péno pour que Paris balise, une plaie dans l'ego, jamais ça cicatrise. Mental de vampire, des gaines de zombies, si tu manges tes morts c'est du cannibalisme. Un bal la pile, spade sous le comptoir. Les idées, le drapeau, les poumons noirs. Les poumons noirs. Tu parles mal, tu deviens paro, t'es pas si gros. Non mais t'essaies, tu captes que dalle. Comme un cateau devant bouteille d'eau dans les WC. Si t'es miro, bah ouais tout baigne. Le père Noël fait plus de cadeaux. Et sous benzo, ah ouais tout est-ce pas qu'un morceau d'ACDC. Jusqu'ici tout va mal, jusqu'ici tout va mal. C'est fou ce que la chute est longue, vivement l'atterrissage. Tout va mal, jusqu'ici tout va mal. C'est fou ce que la chute est longue, vivement l'atterrissage. Hey, on se met la mort dans les naseaux pour s'échapper comme la NASA. On fait ça fort, on n'aime pas ça. La vérité c'est qu'on est maso. Toi, t'encaisses les taquets comme un sac de frappe. T'es qu'un acte manqué, un manque de tact. Comme un tacle le bac et qu'on attaque te passe. Un impact de balle dans une salle de classe. Yeah, yeah, yeah. Y'a un buzz, je crois que c'est ça, mais ça peut faire. C'était Sinoc VHS. C'est le dernier morceau que j'ai sorti dans un projet qui s'appelait Support, où il y avait un autre titre qui s'appelait DVD, parce que DVD VHS, c'est deux mots, trois lettres, et du coup, c'est un peu de rapport. Voilà. Il y a un super clip qui est fait à partir d'images qui viennent d'un super vieux film, d'un je crois. Un super vieux film qui s'appelle L'attaque des monstres géants, un truc comme ça. C'est une sorte c'est une espèce de Godzilla. Quoi. Godzilla ouais. Avec qui crache des arcs-en-ciel par le cul sur les Japonais et qui se bat contre un sort de Terminator. Enfin, c'est assez mystique comme film. Du coup, je me suis dit que les images étaient belles et que ça pouvait peut-être un peu illustrer un morceau dont le refrain est jusqu'ici tout va mal. Et sinon, pour de vrai, VHS, c'est pour en rapport justement aussi avec la haine, jusqu'ici tout va mal, c'est pour Vince Uberside. Ah. D'accord. Et donc là, ça y est, on est prêt. Ouais, on peut essayer. À lancer. Ouais, on peut essayer. On va pas essayer, on va le faire. Vous allez voir. Voilà, vous êtes bien sûr Pyongyang City Rockers. Voilà Sinoc qui arrive et qui jette son son dans le micro, si le micro veut bien fonctionner. Ah non, mais là, ça a lancé sur le nom de l'intérieur. C'est parti. Ça passe ou ça passe pas? Moi, j'entends rien, hein. Tout à l'heure, on a préécouté, ça marchait. Ah merde. Oula. Ouais, c'est pas grave, on avait un plan B. Plan B, hop, j'envoie. Clac. S-I-N-O-Q-U-E. Ok. Pense à l'époque où on toquait chez les potes sans pack pour faire les 400 coups. 4 ou 5 dans le parc, un jour le monde serait à nous. Mais aujourd'hui je m'en tape, j'ai fait la fac sans le goût, avec que dalle dans le sac. J'ai beau regarder en arrière, j'ai jamais rajeuni. Ressasse comme une grand-mère qui a pas dit au revoir à Johnny. J'ai déjà des blagues de daron, on m'a dit bah t'es lourd. À passer des nuits dans des bars, mon regard rajeuni. Va travailler, va dépenser et au pire lâcher tout. Ce sera bientôt héréditaire qu'on ait la rage en nous. Même si la bouffe est dégueulasse, on n'a pas perdu l'appétit, préfère encore vivre libre que mourir à genoux. On le répétera jamais assez, c'est à le vertige, regarde le ciel. Sans passer à bavasser, te fera louper les bons conseils. Les années volées à ta fée, se rattrape à peu, emporte l'oseille. L'abeille l'a toujours amassé, mais voit plus la couleur de son miel. finds my name. What the f- what the f- what the f- finds my name. My name, my name, my name. What the f- finds my name. H-A-N-T-O. L'instru elle vient de Nantes. What the f- finds my name. Roxy Hero Scratch, S-I-N-O-Q-U-E. Hein? On m'a dit faudra se battre, même si t'es du perlute. Parfois tout paraît facile, souvent c'est super dur. Et les gens partent, toujours trop tard que tu percutes. C'est plus des claques, mais la vie, c'est des supercutes. J'ai dit à bientôt, mais pas trop, à la mort et mon avocat. Dis jamais merci patron, tu sais bien que tu vaux mieux que ça. Ici on rend les gens accros à leur boulot ou à la cam. Et dans tous les cas, ils craqueront, overdosés ou insolvables. Et qui a dit qu'elle était morte? La voix des damnés, bientôt elle fera. Bravo porte, elle a un dû à réclamer. Chaque jour j'hypothèque un peu plus mon corps. L'ardoise est salée, les plus baraques poussent pas de fonte, porte le poids des années. Je suis comme ceux qui veulent faire pilote de pirogue. Je rame entre taf de crame et vie de galère. Amstram, gram, je fais un régime spécial. Tous les soirs je perds 2 grammes. Ça m'aide à oublier qu'on vivrait qu'entre deux drames. Ça m'aide à oublier qu'on vivrait qu'entre deux drames. S-I-N-O-Q-U-E. J'entends vraiment pas du tout beaucoup l'instru dans le casque. Ok, celle-là, l'instru, elle vient du Sénégal. C'est DVD, justement. On m'aime pas des vies drôles. La routine est vite rance. Qui a peur évite l'autre de ceux qui se disent proches. Qui mettra la distance. L'ascenseur social est bloqué au deuxième sous-sol. L'absence meurt trop pas, compte sur elle quand tu te sens seul. L'ascenseur t'aura autant terre, ce que tu sais sale, ouais. Pas de sang sur le thorax pour l'enquête, c'est l'essentiel. Si t'as des papillons dans le beat, c'est pas que l'amour guide ta vie. C'est ton ver solitaire qui est sorti de sa chrysalide. Peut-être qu'ici on est tous dingues en face, ils ont tous trahi. On chante la liberté de Soul King, la révolution de Moustaki. Pour ceux qu'on fait des milliers de bandes sur la réserve, ouais. Qui vivent les fins de mois comme traversés du désert. Ils ont pas BZF, ils ont que des rêves. Se réveillent dans un sursaut quand EDF les tribunes. Chaque semaine réclame les étrennes, supporte pas la vérité, vas-y attends que je mente. Trop longtemps que il me regarde haut, il est temps que je monte. T'es dans la demeure jusqu'au cou, mais toi t'en redemandes. Si on pouvait frauder l'avion, je serais à 3 tours du monde. Je sais pas si je veux plus voir vos gueules. Non, si je veux plus que vous voyez la mienne. Piqué par la pompe, piqué par l'orgueil, c'est toujours compliqué de regarder en arrière. Je traîne avec une bande d'illuminés mélomanes. J'ai dit lubies et roma et des illusions, des traumas. Ici bas y'en a qui vendent des produits sous cellophane. Ça fait marcher l'économie, c'est bio et c'est local. Je traîne avec une bande d'illuminés mélomanes. J'ai dit lubies et roma et des illusions, des traumas. Ici bas y'en a qui vendent des produits sous cellophane. Ça fait marcher l'économie, c'est bio et c'est local. On fête plus la nouvelle année, on fête la fin de l'ancienne. Je souhaiterais la santé. Tu souhaiteras des centaines. Si t'as une bière à dépanner, je te ferai croire qu'on s'aime. Fils d'enfant gâté, tout à rien sans peine. T'es en période de transition vers une période de transition. C'est pas rentable d'être invendu. Pourquoi tu vaux 3 francs 6 sous? Un gros vécu, ça en dit long. Je pense à tous ceux qui grandiront sur la défensive étendue comme avant un coup franc de zizou. Le seum, le sale, tout prolifère. De mèches de cam que tes chakras se libèrent. Tisane, nuit calme, goût somnifère. Est-ce que t'es seul ou solitaire? Je traîne avec une bande d'illuminés mélomanes. J'ai dit lubies et roma et des illusions, des traumas. Ici bas y'en a qui vendent des produits sous cellophane. Ça fait marcher l'économie, c'est bio et c'est local. Je traîne avec une bande d'illuminés mélomanes. J'ai dit lubies et roma et des illusions, des traumas. Ici bas y'en a qui vendent des produits sous cellophane. Ça fait marcher l'économie, c'est bio et c'est local. On vieillit vite. De la gueule et des idées ridées. Pas comme Michael, comme Drucker ou Hallyday. Si on se tape la banquette arrière, nous c'est pas qu'on l'a décidé. On a des réussites de merde et des échecs de qualité. L'époque s'emballe. Deal de CO, de deal de femme, ligne de métro, ligne de cam, mine de crypto, mine de jam. Si y'en a qu'on grave la dalle. Trading de pierre tombale. Je suis très peu hypé par la fin de la trilogie, les guerres mondiales. S-I-N-O-Q-U-E, Famasca Beat. Wesh Radio Campus. Wesh les grands leaders. Yeah. Ah bah merci, c'était dur. C'était improvisé, c'était dur parce qu'on avait des petits problèmes techniques, mais tu t'en es super bien sorti. Et puis je me rends compte qu'on est quand même bien avec les deux potes avec qui on est sur scène, parce qu'ils m'aident à... Parce que moi j'ai pas 4 poumons, j'en ai que 3. Et du coup ils en apportent 2 chacun et ça aide un petit peu. Simer et Big Up à O2. Donc vous serez à 3 vendredi. Carrément, peut-être avec DJ VLC ou autre, on verra. Mais ouais, au micro, je suis avec Busta Flemme et Siwak, a.k.a. Edith Piaille. Ouais, on change les blazes récemment. Attends, il y a des micros qui sont pas branchés, là, ça va pas du tout. Ouais, ah. Et ben, c'était Sinoc en direct. Alors, c'était quoi les noms de ces morceaux que tu as interprétés? Alors, le premier s'appelait Rage et c'est le tout premier morceau de mon tout premier EP, mais je trouve qu'il est facile à faire en freestyle et je l'aime bien quand même. Et le deuxième, c'était DVD, justement, qui pour David Roll. Et qui est sorti en septembre pendant qu'on était en tournée vers Grenoble, Saint-Etienne, Marseille, tout ça. Bien, bah donc rendez-vous vendredi. Tu passes à quelle heure, toi, tu le sais? 20h45 4h30 du matin, un truc comme ça. Venez tous à 20h. Voilà, à 20h, comme ça, on tchatche un peu, vous buvez un verre avec nous. Moi, je jouerais entre 1 et 1,5 grammes à peu près. D'accord. Bah, trop après, je bégaye, pas assez, j'ai pas. C'est dur. Là, pour l'instant, t'as pas bégayé, c'était pas mal. Il nous reste 12 minutes à peine à l'antenne de campus, émission Pure New York City Rockers. On a encore plein de musique à passer. Il y a Thibaut qui voulait poser un slam. Vas-y, slam Thibaut. Non, je veux juste faire une remarque, on a mentionné deux chiffres, le 13 et le 12. Voilà, c'était. Merci. Mais non, il a pas compris. Si, mais tout à l'heure, il était 20h13, c'est ça? Ouais, voilà. Et maintenant il nous reste 12 minutes. Ah, waouh! Wow. Ouais. Il y en a qui perdent pas le nom. Il y en a qui suivent. Ouais, mais si tu fais des blagues où il fallait arriver à l'heure aussi. C'est vrai. Tu seras à l'heure vendredi. Voilà. Ok. Il n'a pas le choix. Bon, ouais. il faut répéter donc ce qui se passe vendredi au CCL. Ouais. Monsieur, la langue bien pendue. Qui fait des blagues. Qui fait des blagues. Allez, vas-y. Ok. Kawaii. Monsieur. Ouais, Kawaii. Ouais, monsieur Kawaii. Alors, au CCL, du coup, il y aura toujours. Il y aura toujours la soirée de lancement du collectif Kawaii Molotov. Vous pouvez venir à partir de 20h30 sur Death by Fog, Sinoc, Soul of Bear et Rotten. Et je me disais qu'on pouvait peut-être se mettre un morceau de Soul of Bear. Ouais. Ensuite, peut-être en reparler si on a encore un peu de temps et envoyer Rotten. Rapidos alors. Ouais, voilà. Du coup, je te propose Men's Planning. Ouais, parce que Men's Planning. Ton Soul of Bear, je sais pas où il est. Ah, il fallait trois pour y arriver. Voilà. Men's Planning alors. Sur SoundCloud, ouais, ça se trouve. Allez, je l'ai. Youpi. Super. Et j'envoie. Waouh, mais quelle rapidité. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde, on vous emmerde. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde. On se lève. On se casse, on gueule, on vous emmerde. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde, on vous emmerde. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde, on vous emmerde. On vous emmerde, on se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde, on se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde, on vous emmerde, on vous emmerde, on se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde, on se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde, on se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde, on se lève. On vous emmerde, on vous emmerde, on vous emmerde, on se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde, on se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde, on vous emmerde, on vous emmerde, on se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde, on se lève. s'emmerde, on se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde, on vous emmerde, on vous emmerde, on vous emmerde, on vous emmerde, on vous emmerde, on vous emmerde, on vous emmerde, on se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde, on se lève. On se casse, on gueule, on vous emmerde, on se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde, on se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde, on vous emmerde, on vous emmerde, on se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde, on se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde, on vous emmerde, on vous emmerde, on se lève, on se casse. On gueule, on vous emmerde, on se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde, on se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde, on se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde, on vous emmerde. C'est vraiment pas des façons de parler. Hein. Oh là là. C'est pas des façons de parler. C'était Soul of Bear avec Mansplaining. Carrément. Donc qui ne se cassera pas vendredi. Non, non, non, non, non, non, non. Et donc, ouais, Soul of Bear, une artiste queer que j'ai eu l'occasion de découvrir pour ma part à la cave aux poètes sur une soirée fluide en tout genre. Organisé par une artiste qui s'appelle Lo, qui fait plein de choses d'ailleurs assez chouettes. Ils ont un spectacle en ce moment. Comment ça s'appelle déjà? Blablabla. Bon, je l'ai plus, je l'ai plus. On le dira la prochaine fois. Mais bref, voilà, des fleurons, voilà, de la musique queer lilloise. C'était vraiment une bonne soirée. Après, c'est vrai que moi, ça m'avait vraiment accroché parce qu'il y avait vraiment un côté beaucoup plus punk que toutes les artistes n'avaient pas ce soir-là. Et clairement, voilà, ça envoie de ouf, et ça fera une hyper bonne aussi transition. Enfin voilà, la soirée elle est quand même assez logique en termes d'énergie vers du coup l'artiste Rotten qu'on va présenter juste après. Et ces deux artistes que tu vas présenter, que je vais présenter, ouais. Je dis on, mais parce à moins que Molotov veuille prendre la parole. Ouais, bah... mais c'est elle qui connaît mieux Rotten que ah moi. Ouais, c'est vrai. Bah ouais. Je sais pas. Non, mais ouais, peut-être préciser. Rotten, lui, va nous faire un super super mix art techno, mais très particulier. Donc c'est pas la art tech avec des synthés mélodiques un peu dégueu. Voilà. Et puis Soul of Bear, ça va être vraiment un live sur machine. Donc on n'est pas exactement dans les mêmes registres non plus. Et ouais, ça reste progressif. Puis on va en profiter aussi pour dire que ces deux artistes, Rotten et Soul of Bear, ils seront bien sûr là le 26 mai au CCL, mais ils seront aussi le 27 mai en after d'un super concert qui a lieu au bout de nos rêves à Tournée Gamme 3, juste derrière Shordaze et Barème. Belgique. À fond, ça va être vraiment la folie. D'ailleurs, on remercie fort le bout de nos rêves de nous avoir permis de ça, parce que c'est un report. Et on précisera aussi qu'il y a Sinoc dans la continuité, parce qu'à la base, bon, encore une fois, c'était Epileptique qui était prévu sur ces deux dates-là, donc on a un petit peu voilà, changé, retourné, nanana. Mais du coup, il y aura, pour les gens de la Vénois qui nous écoutent, parce qu'on s'apporte loin à Radio Campus quand même, hein, voilà, on sera aussi à Dompierre-sur-Helpe avec Sinoc et un artiste local qui s'appelle Sanka. Au Café des Sports. Au Café des Sports, carrément, lieu mythique de Dompierre-sur-Helpe. Et ça sera dimanche. Voilà. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter parce qu'il nous reste à peine le temps de passer la moitié de ce que tu m'as demandé de balancer maintenant. Donc et je l'envoie. Et puis bah, ROTN, Radio Campus Lille. Voilà. On trash le Pyongyang City Rockers avec la techno hardcore. Et on va foutre ça à fond. On se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 294 de Pyongyang City Rockers. Désolé Célia, tu n'as pas pu passer de musique. J'ai pu en passer à peine. Et on aura la semaine prochaine avec encore plein de grands leaders et grands leaders. Et on n'oublie pas... ACAB. ACAB. partout.